Entendu au fond du couloir sombre, en bas de l'escalier gris et moisi, la lueur qui s'estompe. Le couloir de la morgue. couloir de la morgue. Le couloir de la morgue. La morgue. La morgue. La morgue. La morgue. La morgue. La morgue. La morgue. La morgue. The morgue. La morgue. The morgue. La morgue. La morgue. The morgue. La morgue. La morgue. The morgue. La morgue. The morgue. La morgue. La morgue. La morgue. The morgue. La morgue. The morgue. La morgue. The morgue. La morgue. The morgue. La morgue. La morgue. La morgue. The morgue. La morgue. La morgue. La morgue. The morgue. The morgue. La morgue. La morgue. La morgue. The morgue. The morgue. La morgue. La morgue. La morgue. The morgue. The morgue. La morgue. La morgue. La morgue. The morgue. The morgue. La morgue. La morgue. La morgue. The morgue. The morgue. La morgue. La morgue. La morgue. The morgue. Le couloir de la morgue. La morgue. La morgue. The morgue. Oui. Le couloir de la morgue. Le couloir de la morgue. Le couloir de la morgue. Le couloir de la morgue. Le couloir de la morgue. Le couloir de la morgue. Le couloir de la morgue. Le couloir de la morgue. Le couloir de la morgue. Le couloir de la morgue. bien c'est pour les nuls. Dans le couloir de la morgue, la différence n'existe pas. Dans le couloir de la morgue, le moisi règne en maître. Le moisi sur la momie de Lénine. Le moisi sur la tête de Margaret Thatcher. Le moisi dans les roustons du général de Gaulle qui est mort enfin. Ils sont tous morts enfin. À la fin, ils sont tous morts. We have read the texts, we have known the images, we have seen the obscurity and the tangential diversity of kind of dismannering, full of manner, and this is what I've said, and I'm saying it again, this manner of feeling just won't do anymore. Ça ne fera pas l'affaire. Ça suffira pas, il faut quelque chose, juste quelque chose, pas rien comme ça, pas rien tout le temps, il faut quelque chose, tu comprends, quelque chose, tu vois ce que je veux dire, quelque chose de ouais, parce que le non, on n'en veut pas, parce qu'un truc de non, ça marche pas, il faut un truc de ouais, tu vois, c'est ça la différence, ouais, non, il y a une grande différence. Et c'est ça qu'il nous faut, de la différence. shit on a black shoe. faites-moi signe si vous voulez que je vous allume. On arrête quand tu veux. Eh ben, j'ai pas dit d'arrêter encore. On arrête quand tu veux. Et là, c'est bon ça. Alors, je trouve que ce soir on avait une thématique. Je me souviens plus laquelle c'était, c'est tout quoi. Donc si vous pouvez me le rappeler, ce serait vraiment important pour moi. Alors, la thématique de ce soir, ça va être la thématique de ce soir justement. Ok, ok. Voilà. Très bonne thématique. Allez, c'est parti. Alors, la thématique de ce soir va se diriger en phase de la face de la thématique de ce soir, en face lunaire, chronologiquement parlant. Le avez-vous de la lune avait toujours vu avant l'ère des humains. Avez-vous une nomenclature? La possibilité de caser les choses, de se répartir les causes et conséquences dans des boîtes, comme si les choses étaient emboîtées. Oui, d'ailleurs, la lune est décroissante, il me semble. Et oui, et nous sommes justement la période du bélier. C'est-à-dire, c'est pas le signe astrologique, il y a ça, mais c'est plutôt la période du bélier, c'est le renouveau. Donc, le printemps amène toutes les bonnes énergies, les bonnes vibes pour surfer, par exemple, parce que je suis un surfeur. Je suis deux surfeurs dans la tête même. Une surfeuse et deux surfeurs. J'aime fondre aussi. Mon carré est un losange. Ouais. Mais un losange n'est pas un carré. Non. Moi je suis d'accord avec toi à partir du moment où tu dis quelque chose, parce que j'en ai rien à foutre. Ouais. Je sais, c'est typique. Mais moi j'aime la poésie. Ouais, l'atrocité aussi, c'est moi. Donc le problème est résolu. Il y avait un problème, j'étais pas au courant, j'avais rien vu. Et les rimes font que façonner devient un peu difficile en ces temps de plafonnement économique. Ouais, moi j'aime la poésie. Industrielle. Et j'aime les morgues aussi. Je fais tout Paris. Avec les pigeons blancs. Et j'aime me taire. Et les fils de chiens aussi. Et les fils de hyènes et de chacals, je les aime. Pas. Tu as peur? J'ai peur de toi. De quoi? De tu papa. Ne sais plus. Dors. Dehors. Dors. Dehors. La neige et les sapins. Blanc comme jamais, toutes ces couleurs. Tu as peur. Des enfants jouent dans la neige et feront de bons hommes et seront des poètes. Sommeil adulte et morphine pour nous, les ados éternels. Je ne suis pas éternel, je ne suis donc pas un adolescent. Stéréotype. Sophisme s'il en est un. Pas un pour rattraper leurs conneries. Cliché. Je me perds dans mes méandres conditionnés et trop pixelisés. Tu veux une phrase de titre? Je Dis-lui que j'arrive. Elle arrive. J'arrive. J'ai rien dit. Non mais moi j'arrive. Rien, toi? Si, si. Ça tombe bien? Oui. Parce que je voulais pas justement avoir ouais. quelque chose aussi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est parfait. Tu vois toi et moi? Eh ben tu vois toi et moi? J'ai les yeux fermés. Mais du coup, oui. C'est pas une excuse pour ne pas voir ce qui n'est pas là. Justement. Justement si. Juste menteur. Juste mensonge. Juste menstruation. Juste menstru de cheval. Justement ce truc c'est de la merde. Justement je doute que la merde soit une menstru de cheval. Et pourtant. Et pourtant tant de menstru et tant de cheval. Donc voilà quoi. Allah nous a laissé tomber. Où est le bar? Il est où le bar? Au coin de la rue. Je crois. J'ai pas d'argent. C'est où dites? Allah nous a laissé tomber. J'ai pas d'argent. C'est où l'argent? C'est par là mec. Dans les poches du voisin. Au bar. Au il est bar. Où le bar? Il est où dans le bar? Dans les poches du voisin. Il est chez Allah. Mais Allah il nous a laissé où tomber. Où bar? Bah il est où le bar? Chez Allah. C'est wack. Allons chez Allah. Du voisin. Allons chez Allah. Ouais mais chez elle. Elle est pas il là. Est pas là. Chez Allah. Elle est pas là. Allahu Akbar. Elle est pas là même. Shazam. Pouf. Dans le bar, il y a des poufs. Pouf. Il y a une trace de blanc sur le bleu, tu sais. Ah. C'est mon pantalon qui dégouline sur mon cul. Couvert de merde. Si mon tu pif veux. Marron arrive. Ouais, c'est ça. Ton paf. T'as encore ramené ton vin, espèce de bucolique. Bucolique. Il y a des choses à dire, c'est juste que je sais pas ce qu'elles sont. Je sais pas ce qu'elles sont. Je sais pas lesquelles. Il y a des choses à dire, comment les dire? Comment ne pas les dire? Les, laideur, laideur. Le lait de l'heure. Dieu, au bar. Allez. Al Napoléon, Jésus, au bar. Un perroquet pour le monsieur. Barrez-vous. Barrez-vous. Et un demi-cerise pour la dame. Je meurs. Barrez-vous. Éteignez ce poste de radio. Immédiatement. Car sur les ondes, ondule. Les mots fronde. Offrande. Pour l'absence d'auditeur. Pour l'auditeur absent. Devant son poste de radio. Éteint. Il entend. Les ondes. Offrande. Thank you. sorti du coffre. Trop fort. Les mots qu'on offre. Les mots du corps. Les mots qui décorent. Les ondes. Trop de poudre d'escampette. Tirer clochette. Ça va, poussin? Pip. Non, mais oui, trop bien. Trop. Pip. Merde. Alors. Et sommes-nous en voie d'extinction? Sans nom, je t'éteins parce que tu es trop lumineux, trop noir, trop noir. Mémoire que je cultive quand j'occulte mes fragments de vie. Que dire? Peu importe ce que pensent les autres, hein. Exprime donc tes opinions. Plus faux, or si tu y tiens, haine, écoute rien à ce qu'on te dit. Je m'en fous. Je n'ai ni envie ni beu ou un d'être comprise par l'imbécile mal leur eux. Je m'en fous, moi. Je n'ai ni envie ni beu ou un d'être comprise par limbe ou cils malheureux qu'on t'en place. Thank you. fait le cochon. Je suis une pomme. Je suis une pomme. Comme je suis beau comme pomme. Comme je suis pas beau comme poire. Et pendant ce temps, la terre brûle. Intellectually, light brings it. It's just limbo. L'enfer est pavé. Donc, la perte de phase est l'effet. La solution est l'évitement. Tout est déjà à sa place. Quelqu'un est-il mort ce soir ? Sûrement. Pas, faut le prouver. Si on a une spéculation à faire, eh ben, on peut le faire avec un si. Ainsi, j'ai une spéculation à faire. Peut-être que quelqu'un est mort ce soir. Je ne sais pas où, mais peut-être seulement. Je ne suis pas sûr de moi, je ne suis pas un vrai. Je suis un faux. Et j'aime mentir. Quelqu'un est peut-être mort ce soir. Je sûrement. Mens. Tu as dévoilé mon mensonge. Tout est dans la nuance. Cabron. Cabron. La chèvre de Monsieur Seguin est appelée au trottoir pour faire les poubelles de Quick Burger pendant les élections. Entre deux coups de tapin. N'oubliez pas les patins. Faites-en du gratin. Plutôt qu'un pépin. Ornez les sapins. Quelqu'un a du Primpérant pour moi. J'ai besoin de Primpérant, c'est regarde, pour. C'est anti-vomitif si personne ne sait. J'ai envie de gerber. Les rimes, c'est pour de la merde. Je refuse de gerber. Je refuse de mourir. Je refuse de rimer. Je ne suis pas un menteur. Je suis d'une lenteur atrocier. Seras-tu seulement électeur ? Atrophié. À trop se fier à ce qu'on a en face de soi, on oublie le fondement même de la. L'anus. L'anus. The noose. The noose. The moose. The salmon moose. The flouze. How old is my goose? Is that a. How goose? How loose is my blues? How loose is my blues? How blues is your goose? Mon gosier est sec et j'en ai rien à taper. Je répète. Mon gosier est sec et j'en ai rien à taper. Je préférerais bien fumer une cigarette que boire un gosier tout sec. C'est gosier. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait une émission de radio. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances avec toi et moi. Je sais, c'est terrible. J'en ai marre. Plus personne ne présentera personne ici, c'est fini. Si tu veux, t'inquiète. Non, c'est bon. Non, ça va, ça dérange pas. J'ai du respect pour le sol. Ouais, pour j'aime le sale. Me frotter dessus. Et là, une rime, je vois venir, mais je préfère pas la faire. Une rime en U. Ploup. Ça, c'est un apôt à poireau, ça. Voilà. Encore une bouteille de débouché. Venez vite au 40 rue Alfred du Meril si vous voulez boire du champagne. Venez tous, entrez libre, boire du champagne. Boire du faux champagne d'Ardennes. Comme la bataille. Et c'est quoi ? C'est un cendard ? C'est un cendrier de poche. Ah ouais, dernière fois c'était quoi ? Dans lequel j'aime ranger mes mégots et les transporter partout avec moi. Ah chouette. Et tu les vides à côté des gens qui vident leur cendrier dans les parkings par exemple. Ou devant chez moi. Ouais. Ça fait un plus gros tas quoi. Bah oui. Un tas de clopes mortes. Un tas de cendres. Un tas de cendres aussi. On oublie vite Blaise Cendrard. Mais on n'oublie pas le cendard. Blaise Cendrard. N'oubliez pas les patins. N'emmenez pas de couvrir vos pieds d'un sac plastique atrophié. Surtout. Surtout jamais. Ce qui Et bien avec la liberté, c'est qu'on peut ne pas en profiter si on veut. C'est qu'on peut en faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'on fait rien avec, c'est mieux. Mmh. Ah ça y est, les rimes c'est fini. Bof, ça va, ça vient. On va pas rire. On va pas lire. On va pas crier. En parlant de sélection sexuelle à nos jours, incidemment, non que trop peu. Intellectually light brings it. It's just limbo. L'enfer est pavé. Mieux vaut savoir. Mieux vaut se taire. Savoir se taire. Mieux vaut. Quand j'étais jeune. Je n'étais pas grand. Je n'ai jamais été grand, jusqu'à maintenant. Maintenant que je suis tout petit. Et que je suis vieux, rabougri, moisi, gris, et flétri par l'inaction qui me pèse tant. Recourbé, bossu. Ce tripalium incessant. Je me demande pas les choses, alors qu'avant je les savais. Comme une graine qui germe à l'envers. Qui donne un arbre qui, de l'intérieur, vers l'extérieur, dépérit. Un arbre qui n'est mort. Pas jamais. Qui ne mourra jamais. Mourira. Mourira. Mourira qui mourira le dernier. Mourir le rat. Mourira bien. En dernier. Le rat sera notre sauveur, frères et sœurs. Au commencement, il n'y avait qu'un rat. Et son ami, le cafard. Une discussion s'ensuiva. Cloporte. Cloporte intervint. Est-il possible que rat s'accouple avec cafard, il se demande Cloporte. Pendant ce temps-là, cafard et rat discutent encore. Quel est le rapport? Moi, j'aurais mis un rat avec un porc. J'aurais vu à rat de la porte, sinon, quelque chose, au fond du trou. Mais je me suis dit qu'à Canal Sud, on préférait encore entendre parler de loup. Canal Sud. Les symboles de celui-ci. Oui. Seeds we planted will turn into beautiful trees. On a deserted land, growing at a slow pace. Because emptiness is to be filled, as is space. If all goes on his way, they will make happy bees. Quand dire? Dira-t-on, ton. May it be a brick wall or abstract fantasies, any form of disturbing life, it will embrace beauty unknown even if erased leaves its trace. Not that I've noticed, but the last time we were talking, it does. There was nothing going on. There is nothing going on. And now, things are different. There is nothing going on. It's different than there was, you know? It's different than there wasn't anything going on. Because now that there is nothing going on. Oh, okay. You know? No, I don't. It's very subtle. Tell me. It's, please tell me. This way I can use this weird voice and like French people will think we're talking about shit and something. The right bricks. Tell me. For the wall. Tell me where the wall is. Instead of hanging on to an old song. Who is the wall? Grow up. Go down, man. Build the wall. Forget it. Don't tear it down. The wall is you. Accept the angles as wide as its births. No defense. Coordinates. And you a start. You are the wall. So come in. Destroy yourself. Our down. Wounds. Down. As well. Down. Bricks or rooms, walls bring or mothers. The bricks with you. L'enfer est pavé. Avoir un pavé dans la main et avec se demander qu'en faire. Et avec Maria. Ça, Marie se tait. Ave Allah. À jamais. Dans un tréfonds obscur, la solitude d'une abîme abyssale. À la maison. le café. Et en ces temps-là. Bonne franquette, ouais. Est-ce que t'as une saucisse avec toi? J'ai envie de manger une saucisse en moi, ce moment. J'ai pris le chou. T'as pris le chou? Merde. Et les haricots. D'accord, moi j'ai pris la tête, souvent. T'as pas pris le jarret? Non. Mais j'ai pris et la tête, et la tête. Alouette. Alouette. Squelette. Alouette B. Belouette. Silhouette. Alouette belote. Alouette, virgule. Une belote. Belote. Une belote. Oh, je te parle de belote. Je parlais de belote, belote. Alouette belote. Il flotte. Un bel hôte veut louer une belle hôte pour une soirée contre du fric. Pour le plaisir. Et la peur effraie, comme la chanson. La peur effraie la rengaine. Can a fool teach a canvas's virgin mind into reason? A canvas's mind version of a reason? A canvas's virgin mind into reason. Can a cancrela teach a fool to be a reason? Who are they with their degrees? I'm nothing. I don't exist. I'm convinced of it now. I've written it down and it seems perfect. Are they worth the cracks of bones caressing concrete? My cocoon is full of emptiness now. Like your skull crashing. It just so happens to be the way. N'est-il pas né, le poisson mort, un jour? N'est-il pas né? C'est Noël. Et la tangentielle réaction vibre, vibre, tel un téléphone cru, crudivore même, que le téléphone, donc, I was saying, I calm myself down, I cheer myself up, avec plaisir, zizir, t'sais, you know, la joie. Incité, suchness, give it to me. Possibility, come over here if you please. On va me dire quelque chose. Et je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce que je vais répondre. Et je ne vois pas pourquoi je répondrai à une question qui n'est pas encore venue. À mes oreilles, en douceur, égosillons le con, et ensemble, oublions, si si, oublions, pour de vrai, la résolution. Ouais. Je t'ai entendu, tu sais, à l'intérieur de mon cocon vide, car je suis déjà né. Le poisson mort n'est-il pas né? Il ne viendra pas. Un jour, il ou elle? Il. Dommage. Joue-il. C'est joli. Et j'en suis désolé. Mais ce n'est pas grave. Il aimerait bien te voir. Oh my God. Tomorrow. Tomorrow? Oh, okay. He says to call him if you want to see him. If I want to see him? Yeah. Okay. Tomorrow. I will. And he said to say. Okay. That it's not what you think. Oh, okay. It's not for it's you know. It's for fun. Just, you know. No, that's what he said. It's like. For the heck of. Don't come over if you have anything intended. It doesn't matter. I'll come even if it's not for that. Just you know? Okay, it's with pleasure. Why don't you come to my place? Okay, I'll see where he lives now. Yeah, he was like actually proposing something like that. Okay, otherwise I'll call him and we'll just drop over. You know, I'll just drop over. You know, he lives deep into the wilderness now. True, I was told. Of the Maki. Oh yeah, right. I can go there. I can call maybe him. End up. Yeah, I'll call him. Sure, thanks for the message. No problem. Messenger. I am the messenger. You are the messenger. I am the messenger. I am the gatekeeper. You're the receiver of the message. And I say so. Message delivered. I am the receiver. I am the messenger. messenger. I have received the message. I have. Messengered the message. Messenger. Message delivered. Cool. I've always wanted to speak in English. Special delivery. Special rubbish to me. Oh no, I'm obliged to myself to go back to French. Oh my Please god. No. Oh my god. Where are you? My god. In the placard. Hee. Oh my god. What and how is it? If I was a bitch, I'd be 196 years old. Bastard. What is a bitch? Oh, damn it. I'm going insane. You already are. The whole womb for tombs of dying fecal matter, and that's where I'm going. If anything, you're crawling back into an existence. Yeah, I'm like, if I'm crazy, and I'm going crazy, maybe I'm going sane, in fact. Exactly. And I should know, because if I know now, I'm gonna go back and crazy again, you know? Back and forth, and back and forth. Et si j'étais sain d'esprit, et que je pensais que j'étais fou, et bien peut-être qu'en devenant fou, en pensant être fou, en étant sain d'esprit, je deviendrais sain d'esprit. On peut penser être fou en étant fou. C'est pas parce que je suis pas suivi que je ne suis pas parano. Et c'est pas parce que je suis parano que t'es pas suivi. Que je suis pas suivi. Je sais. Et c'est pas parce que t'es suivi que t'es parano. Et c'est pas parce que je suis pas suivi que je suis pas parano. T'es peut-être pas assez parano. Peut-être que je suis pas assez méfiant des gens. Faut que je me méfie des gens maintenant. Tu sais quoi ? Je vais me méfier des gens maintenant. Parce que la flicaille, ça me fait peur, moi. Alors je vais me méfier des gens. Si c'est eux qui sont censés représenter l'ordre à la matraque, eh ben je préfère encore m'en méfier. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai peur des gens. Oui, j'ai peur de leur matraque. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? Bah, moi je préfère. Encore. Apprendre à aimer les matraques. Apprendre à aimer les matraques. C'est que à ce moment-là, j'avais plutôt envie de dire autre chose et j'ai pas réussi à me taire. Est-ce que t'as un exemple à me proposer ? Comme matraque, comme me taire ? Avec ? Ton micro. Carrément, carrément. Mais c'est pas mon micro, c'est le micro de la radio, je peux rien faire avec. Techniquement, à part m'en servir sans le toucher. Sauf du bout de lèvres. Je dirais rien. Oh non, tu l'as déjà dit, c'est trop tard. Personne ne nous voit. Oh non, personne n'a rien dit non plus. Ah oui, je sais. C'est bon, une bonnette. T'as qu'à la belote. Du bleu. Ouais, carrément. Rouge. Les deux ? Pourquoi tu dis ça ? Je sais pas. Quelqu'un t'a raconté quelque chose sur ma vie ? Ça m'inspire plus que vert et jaune, je t'avoue. Oh, mais j'ai enlevé la bonnette, ça prend trop de place. Et puis ça grippe contre les muqueuses. Ah, j'ai dit quelque chose là, il fallait pas peut-être ? Ah bon, d'accord. Bah, je vais me gratter l'oreille avec le bleu, parce que le bleu ça suffit, tu sais. Une fois suffit, tu sais. Mieux vaut se servir du rouge, du coup ça passe plus inaperçu, tu vois. Ah, c'est vrai. Dans le doute, je vais enlever la bonnette avant. Et comme ça passerait inaperçu après, si tu vois ce que je veux dire. Et puis on la remet par-dessus. C'est ce que je disais, ouais. Une verrue du feu. Exactement, je n'osais pas le dire. Donc si vous ne voyez rien, ne vous inquiétez pas, l'odeur est nauséabonde. Aurais-tu une feuille de papier ? Oui, j'en ai deux. Pour que j'écrive mon malheur. Et après, on brûlera avec toi, moi, tout le monde, quoi, ça sera beau et tout. Et tu sais, au paradis, les gens, ils sont morts. C'est ça qui est beau avec l'enfer et le paradis, c'est que les gens, en fait, ils sont morts à ce moment-là, tu vois. Merci. De rien, je t'en prie. Toujours une bonne phrase à dire quand j'ai envie de faire plaisir au latin. Donc je suis un psychopathe latin, ça vous dit quelque chose ? J'ai pas compris, quoi. Je connais le philosophe Lacan, c'est... Ouais, c'est un psychanalyste. Mais ce qui n'oblige pas forcément à s'obliger de référencer les omnubilances dans un nomenclaturant, raturant, fécal, silence. Rien ne nous oblige à ne pas. faire cas du silence. Le silence. J'aimerais qu'on parle du silence. Silence, en tant que science, me lance. Didactique, en tant qu'enseignement, m'élance. Champ de faïence. Fer à cheval, en porcelaine de Limoges. Vaseline, dring dring. Vaseline, and methadone. Quite a good mix. Really? I have no idea what methadone is. It's just a word, you know? Like other words? Like, you know. Yeah, like astigmate. Presbyte. Myope. Sourd. Blessé. Une plaie. Tétraplégique. Un terrain de tétraplégique dans une fosse à Purin. Maniaque. Avec un gars qui rit au-dessus. Et sa meuf derrière, elle applaudit. Et les gamins, ils sourient. Mais il y a un gamin dans l'eau, le plus petit, qui pleure parce qu'il pleut. Et il s'en fout des autres. Quel salaud! Quel salaud! Salaud ce gamin! Je propose qu'on introduise une matraque dans la tête du gamin en le punissant. Par exemple. Pourquoi pas? On pourrait le punir et on pourrait le foutre dans le placard pour qu'il prie devant une croix. Au mitard. Ouais, ou on pourrait le mettre dans une boîte en ferraille au soleil. Sans trou, hein. Faut pas qu'il respire. Il faut pas qu'il respire, hein. Parce qu'on aura mis de la vaseline dans son gosier. Et s'il respire, ça va fondre. Et ça va rentrer au fond de ses poumons et ça va les boucher. On l'aura prévenu. Un homme prévenu en vaut deux. Il a le choix. Il meurt par asphyxie ou par asphyxie. Ouais. Mais le truc, c'est que deux personnes dans une boîte, ça tient pas. Et là, il s'inquiète. Bah, il bouffe l'autre. C'est ce qu'il vient de faire. Et figure-toi que l'autre, c'était lui-même. Il a commencé par les pieds. Les orteils. Lequel? Le plus gros, de goût. Petit. Celui qui avait plus de goût, en fait. Le gros avec les bouts noirs en dessous de l'ongle d'orteil. Oui, ça sent mauvais. Depuis 3 mois. Depuis 3 mois, c'est son âge, c'est ça. Oui. 3 mois. Il est mort maintenant. Oui, il avait pas de parents pour lui couper les ongles de pied. Bien vu en enfer. Il a bien fallu les bouffer avec l'orteil. Quoi. Et les cracher. Gloops. Et c'est à ce moment précis que rien ne se passe. Il a vu la lumière dans sa boîte toute sombre. À travers l'absence de trous. Silver shadows. Le grand tunnel. The whole rummaging. Le grand tunnel. The whole rummaging. There is a sword that means something to me. I just don't know what it is. Ending is nigh, as near as far can be. Le grand tunnel. Mais faites face, force ou faible, en ce que vous oubliez, vous rêvez. No worry, I handle me. Nous ne savons même pas mourir, encore moins vivre. Joli. We handle you, too. Often I see through me. Do I wish to see through you? Religieusement. Through me, you will only see yourself. I'm a liar. I've never said something true in my whole life. Your mirror is the liar. You've never seen anything true. And I'll never see anything again, because my eyes are out of my head. They're up my ass, in fact. I ripped them out of your eyeballs, your eyelids. No, it's not you. It's mommy. It's me. You remember mommy? I am your mommy. Before I yes, ate yes. her titty, and she started screaming at me. See me. And then I spat out a titty with blood. Mm. Is that why you took your revenge on me and killed me the second time? You can only do it twice. I know. I am no cat. You, on the other hand, are a cat. Now. Yeah. And. Point de suspension. Cats meow. Yeah. Mothers meow. That was a good idea. Et c'est ainsi. Que de suite à maintenant, jamais l'atrophie ne résiste. Mince. Et le filet de bave au bout de mes lèvres sanguinolentes. Qu'est-ce qui se passe? Les choses cassent. Ou sont-elles réparables? Un bout de scotch, c'est réglé. Ou inarrables? Ineffable. Effroyable. Les jardins sont remplis de mucus. Je répète, les jardins sont remplis de mucus. La rectitude ne finira pas avant. Ça recommence. Physique. Oh, grand jamais. Merci, je disais pour une fois. Va te faire foutre. D'accord. Un peu plus tard, je préfère éviter de faire ça en public, sauf sur la place du marché. Le dimanche matin. Sous ma mobilette. Fuck for forest. Fuck forest, fuck. L'avenir t'attend. Cette tentouse-là. L'avenir, je n'y touche pas. J'y laisse. Tu fuis? C'est pour ça que tu cours. Autant être méchant, j'en ai rien à foutre. Tant que tu cours, même si c'est dans le mauvais sens. Essaierais-tu de voir qui je suis? Tu peux pas, de toute façon, il est partout. Oh, mais t'essaies d'être méchante en plus. Pas du tout. Dommage. J'avais quelque chose à ne pas rétorquer, justement. On en parlait tout à l'heure. Oh, grand jamais. Grand jamais. Déjà, mais. J'ai dit mais. Oh. J'ai dit mais et maintenant, tu mets. Déjà. Mais où? On s'en fout. N'importe où. Mais tout. Mais tout. Jusqu'au bout. N'importe où. Pour tout refaire de l'intérieur. Mets-moi le grand tout. Au grand jamais. Branche-moi. Sur 220. Par tous les ports. Je veux respirer. Jack. La peau. USB. Transpire. De l'eau. Sur la tente. Ça peut pas être pire. qu'être complètement déconnecté, qu'être une entrée obsolète, sans câble, pour se combler. Aspérité, port. Ça finira jamais. Y'a rien de pire que de pas pouvoir être rempli. Tout. Ça amplifie. Jusqu'à. Ce vide. Défaire. Ce vide. Cette chose. Y'a pas d'adaptateur. Obsolescence programmée. L'alarme. Avant l'heure. Je cherche l'aval. En amont. Qui suis-je? Personne. Personnifié. Je suis personne personnifiée, c'est moi. Ça y est. Alors pourquoi crois-je que je suis là? Pierre, Paul, Jacques. Alors que je suis très très là. Lundi, vendredi. D'être là. Mercredi. Oui, ça rime en i. Oui. I. Et non, ça rime en on. Oh. Et peut-être oui. Pas, ça rime en caca. Et chiotte, ça rime en crotte. Je sais, tout ça. Ça rime aussi en fiotte. Ouais, c'est trop facile ça. On bouge pas, trop tu gigotes. Tu gigotes, hein? C'est moi, la fiotte. À quoi tu te frottes là? À la fiotte que je suis. Et que j'aime à être une fiotte. Quand je le puis. C'est moi le puits. C'est toi le fond. Tu m'épuises. J'ai puisé. Tu me taris. T'es taré. Et au fond de ce jeu-là, une porte coulissante. Ce sont nos tares. Derrière cette porte, virgule, qui nous construisent. Nous sommes défaits. Défaits. Défaits. Défaits qui ont mené à d'autres faits et encore d'autres faits, peut-être l'enfer et dans le futur. Défaits. J'espère. Des fébriles. Être en enfer déjà. Des fées. Clochettes. Déférence. Des fées maisons. Des fenêtres. Des fées divers. Défectifs. Défectueux. Défectueux. Défectueux. Défectuosité. Comme viscosité. Comme latence d'obscurité et d'effet. On veut des faits. Des faits dominos. Personne n'a encore gagné. Tout le monde a perdu pour l'instant. Des faits papillons. Parce qu'il y a forcément un gagnant et un perdant dans cette histoire. Des esclaffés. Des fainéants. Des fainéants. Oui. Fuck le travail. Le travail, c'est pour les nazes. Les nazes-brocs. Qui tous les jours se remplissent des bros d'eau en pansant leur plaie du lendemain. Car ils ont pris du retard sur leur planning. C'est con. C'est con. Je les aime pas. Ils sont bêtes. Et je suis encore plus bête qu'eux. Car je le sais. Les imbéciles. Sont malheureux, mieux vaut savoir. La souffrance. Et pendant ce temps-là, la Terre tourne ses rondeurs atrophiées en direction du ciboulot. Ainsi, son boulot est fait. La progression automutilatoire. I have. I take. C'est ainsi. De suite à maintenant, je prends, dispersé dans les pages of memory subsisting, heaps of oatmeal and snow, molten down and dried up and fed once more time to the same bodies. L'on peut manger la matière. On peut manger l'éther. On peut manger l'éther. On peut manger les tarés, c'est prouvé. Le soleil verdit d'heure en direction de l'obscurité. Et c'est là. Je veux l'amour. Et pour ainsi dire, l'amour que l'amour procure en semant. En semant se régénère la mer dans l'intuition. Seeds we planted will turn into beautiful trees one day, on a deserted landish growing at a slow paceful, because emptinessly is to be filed as is spacefully. La mort comme expérience gratifiante, subjectivement ou pas. And that's when the whole damn thing reappears on the shallows. All goes on his way, they will make happy bees. Incité, quand t'es où, ouais, c'est clair comme une secte. Je suis peut-être qu'elle est aussi une personne, qui sait, face à elle. Any form, disturbing life, it will embrace it. Beauty unknown, even it erased, leaves its space. J'écris tellement mal. Je sais pas lire non plus. Indienne. Et pour ainsi dire, jamais, au grand jamais, ne se sont vus de telles horreurs vides d'être pluriel ou même singulier. Vide, quoi. Fuyons, fuyons. D'être de maintenant à toujours jamais, et ici aussi, les faveurs montent, les disgrâces tombent, les pleutres neutres se flottant, imagine, pour rien. Alors si jamais je pouvais me télétransporter, indienne, phrase à la nage par-dessus bord, vers le large, l'horizon. Voyage court, sans faire abstraction, du scorpion qui, en bêta, version d'un alphabet, qui bégait. Fuyons. Fuyons. Fuyons. The knots are sinking from my flesh to my mind. Is that what being insane means? Knots and holes from never? The hole. Hole. Rummaging structures of things. Je suis comme un lamentin. Lying down the hole's way out. Des océans perdus. Échoués. Yes. To nobody. Dans rade. The cries sound familiar. Mes espérances. That's that. For sure. And always. Deux personnes sont mortes depuis tout à l'heure. Deux personnes sont mortes. Car dans le couloir de la morgue, gris et moisi, au fond de cet escalier, descendant, un cri surgit de l'être. C'est sombre comme le sexe. Et comme ça, c'est. Et c'est pour cela que je me branle le soir, tard, par amour. Suinte encore le désespoir amoureux qui ronge le corps, le cœur endolori par tant de larmes esselées. Suis-je bon et tout bonnement bien, justement, agissant. I write, night, night. I write, write, write. I write, a write, write. Now I write now. And it keeps going on. These shells are sort of like, no, The shelves are themselves shelves, I mean. Habitude. Le mot. Redoutablement confortable. Et visqueuse. Sable. Si fin. Que les espaces cimentés simulent à la perfection la grandeur des montagnes. À l'unisson. Autant que je sèche, c'est. Puis-je que ne se permettre de réaction à oblitération inutile, donc disgrâce. Méchante merveille, arriérée aventure, rondon rigolote, irritable irrésistible, aliénée allumeuse, nymphomane nouille, nombriliste nébuleuse, énervante étoile, jouer et ouïr, jouirai, je ouir, jouir. Happening is inconsistential. Et le ritualiser, oui. Dire que à jamais, à dire jamais, pour ne point découvrir. Je ne doute pas d'une conjonction astrale difforme. Je n'en doute pas. La déformation, la distorsion n'obstrue pas la pensée. Elle la déplace. Heureux, les choses n'obnubilent pas le défini en faveur d'infini. Pont entre les jambes, le sexe est intransigeamment, le ventre pas d'accord. No fear nor any effect will damage, none of it will have. None of it will have not, because not being is what I want to be. So wanna being is not. You are. That's not what I want. Yes, you are. I'm not. Ce qui signifie, demain la météo sera moyenne, après-demain ce sera plutôt bien. Le lendemain matin, il y aura encore un peu de nuages, mais d'ici là, ça devrait aller. Ce qui signifie, les omnibilances n'obstruent pas la pensée. Elle la déplace. Les omnibilances n'obstruent pas la pensée. Elle la déplace. No, not quite. I know, I'm just lying again. You know? Alors, je vous dis la vérité, donc j'étais en train d'exprimer donc la latence. Ne dénonce point ton allié si le perdre. Vaut mieux que se taire. Mais de prime abord, abordage ou abordage, quelle différence, non? La différence entre un beurre rance et un beurre frais. Un beurre salé. Un rebeu frais ou un rebeu rance? Quelle question. Peut-être que je devrais parler des noirs. Des noirs obscurs des saints, des richissimes. En amont, plutôt qu'en aval. Les terrains, obscurantis. Surtout ne pas voter. En aval.